Eric, John Faraday. Le taxi nous dépose à 10 mètres du nid rouge. Une file d'attente considérable prolonge l'entrée du bâtiment à la façade insalubre. Mais ni moi ni Damien n'avons à nous soucier de ce potentiel contretemps. Franck, l'agent de sécurité posté devant la file impatiente, nous connaît bien. Depuis le temps que nous fréquentons la boîte échangiste, dont la renommée internationale a suscité le plus vif intérêt parmi de nombreuses célébrités. Prête pour cette nouvelle soirée de débauche ? Me demande Damien. Je hoche vivement la tête. J'ai vécu une semaine merdique au bureau. Je travaille pour une agence publicitaire. Et Damien m'a avoué n'avoir pas connu de meilleurs jours à son studio de photographie ces derniers temps. Cette soirée au nid rouge serait notre exutoire hebdomadaire, l'occasion d'assouvir des fins insolites tout en nous purgeant de nos émotions négatives. Nous sortons du véhicule, je paie le chauffeur de taxi, puis nous nous dirigeons vers la file d'attente que nous dépassons sans nous soucier des regards offusqués que nous jettent certains envieux. Franck nous reconnaît à quelques mètres et nous fait signe d'approcher. C'est un bel homme. Massif, que j'ai appris à connaître lors d'une orgie à laquelle Damien et moi avons participé. Une bête de compétition, membrée comme un étalon. « Allez-y les enfants, » nous dit-il avec un clin d'œil. « Amusez-vous bien. »« À plus tard peut-être, » je dis. « Qui sait ?» fait Franck avec un petit sourire. Nous dépassons l'agent de sécurité. Nous avançons le long d'un couloir sombre. Nos chaussures progressent le long d'une moquette de velours bordeaux. La musique parvient étouffée à nos oreilles, comme si nous étions dans un aquarium. Damien ouvre la double porte qui ferme le fond du couloir et la musique nous submerge aussitôt tel un raz de marée sonore. La salle immense est parcourue de faisceaux lumineux conférant au lieu une dimension quasi onirique. Il y a peu de tables. Au nid rouge, on ne reste pas assis bien longtemps. Une grappe de corps extatiques danse sur la scène, à 20 mètres, et d'autres s'agglutinent le long du comptoir. La musique est violente, mais il ne s'agit nullement d'une compilation de morceaux techno insipides. Les spots lumineux se déplacent lentement, caressant les corps fébriles de nuances sensuelles. Nous parvenons à nous approcher du bar. Damien prend nos commandes. 2 vodkas citron. 2 blondes assez mignonnes le matent en gloussant. Je ne me formalise pas. Damien n'est ni mon mari, ni mon petit copain. C'est un très bon ami, avec qui je participe de temps à autre à divers plans cul. J'adresse un clin d'œil complice aux deux filles. Loin d'être effarouchée, elles me regardent avec une lueur coquine dans les yeux. Je suis tentée de les aborder de plus franche manière, mais je me retiens. Ce soir, je n'ai pas envie de minou humide et frémissant. Je ne veux rien d'autre que de la queue massive et juteuse. Damien me tend mon verre. On part en chasse ? Il me demande au creux de l'oreille. C'est parti ! Je réponds. L'avantage dans cette boîte, c'est qu'on n'a pas besoin de vocaliser pour être entendu. Pendant 1 heure, nous errons parmi les corps en proie aux multiples débauches. Certains dansent, d'autres picolent, d'autres encore se frottent les uns aux autres, et ils n'hésitent pas à glisser des mains aux endroits les plus intimes. Sur la piste de danse, de nombreux mecs se déhanchent avec la braguette ouverte, et leurs membres horizontaux se dissimulent difficilement au faisceau écarlate. Damien est absorbé par un mec plutôt charmant, de type latino, tandis qu'une jolie petite asiatique me fait des avances que je peine à refuser. Puis, nous nous retrouvons à nouveau seuls, en quête d'une nouvelle proie. « Le latino n'est pas bien ?» je demande à Damien. « Sympa, sans plus, » il me répond. « Et ta petite japonaise ?»« Très mignonne, mais ce soir, je ne veux que des mecs. » Damien rit et me colle une claque aux fesses. Au bout de 4 vodkas bien tassés, nous faisons la connaissance d'Eric. C'est un attirant quadragénaire d'allure sportive, moins robuste que Damien, mais pourvu d'un physique musclé et sec. Son visage rasé contraste avec la courte barbe de mon ami, et ses grands yeux verts semblent le seul point de comparaison avec ce dernier. Eric nous apprend qu'il est directeur d'une entreprise spécialisée dans le matériel audiovisuel et que lui aussi a éprouvé le besoin d'évacuer la tension des dernières semaines en se rendant au Nid Rouge. Il n'est pas marié, à en juger par l'absence d'anneau à son doigt. Ce qui me déçoit. Un plan à quatre n'aurait pas été de refus. Vous cherchez quelque chose de spécial ce soir ? Il nous demande. Oh, rien d'extraordinaire, je réponds. Juste un plan à plusieurs. Alors ça va, j'ai entendu pire. Il y a 20 minutes, un couple m'a proposé de nettoyer mon appartement avec leurs pisses et de les autoriser ensuite à tout lécher. J'en ris tellement que les larmes manquent de ruiner mon maquillage. Damien et moi sommes habitués aux demandes extravagantes de ce genre. Les boîtes telles que le Nid Rouge sont parfois le théâtre de fantasmes aussi insolites que grotesques. « Ça ira, notre appartement est propre, » dit Damien. « Vous êtes marié ? » ?»« Ni marié, ni amant. »« Depuis combien de temps ?» demande Eric. « Au moins 10 ans, » je réponds. Eric siffle. « Vous m'impressionnez, » fait-il. Nous discutons de choses et d'autres, afin de faire plus ample connaissance. Puis, nous arrivons à l'étape cruciale de notre rencontre. La proposition. Le Nid Rouge offre à disposition des clients, moyennant un petit extra pécunier, des pièces étroites mais confortables, permettant au groupe échangiste de connaître leurs nouveaux amis de façon plus intime. Mais Eric ne semble guère convaincu et nous suggère plutôt de rentrer avec lui à son appartement, qui se situe à une centaine de mètres de la boîte. Damien et moi validons la proposition, puis nous suivons Eric jusqu'à la sortie des lieux. Non sans un certain regret, il est toujours difficile de partir du Nid Rouge. Nous progressons le long des trottoirs déserts jusqu'à son immeuble. Les deux garçons avancent d'un pas posé, tandis que je trottine tant bien que mal sur mes escarpins qui sont loin d'être conçus pour les soirées alcoolisées. L'appartement d'Eric est sobre, fonctionnel, au demeurant douillet et accueillant. Il nous propose un verre. Damien accepte volontiers un whisky, je décline l'offre. Puis nous nous asseyons dans un moelleux canapé en cuir. « Je vous avoue que je ne suis pas habituée à ce genre de plan, » déclare Eric. « Tu ne l'as jamais fait à plusieurs ?» je m'enquiers. « Une fois seulement, mais ça s'est passé après une nuit très alcoolisée, je n'ai quasiment pas de souvenirs. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne me dérange pas de le faire avec un homme et une femme. Je suis plutôt ouvert comme garçon. » « Et moi donc ?» je me retiens d'ajouter. « Mon sexe est béant d'avidité. » « Mais tu ne l'as jamais fait avec un homme ?» je dis, me souvenant de notre conversation au Nid Rouge. « Jamais, » admet Eric, « mais j'ai envie d'essayer. Peut-être que ça ne me plaira pas, mais je veux vraiment essayer. » Je hoche la tête, puis je me penche vers lui. Je l'embrasse à pleines lèvres, mais en toute délicatesse. D'abord surpris, puis enchanté, il me rend mon baiser. Damien s'avance à son tour vers lui et pose sa large main sur l'entrejambe de notre amant, pétrissant le tissu et au travers le membre d'Eric qui ne tarde pas à enfler. Je passe une main sous son t-shirt pour caresser son ventre ferme et velu. La main gauche d'Eric caresse la chevelure châtaine de Damien, tandis que l'autre main s'immisce dans mon décolleté et se glisse entre mes seins. Je gémis de volupté. Je tire sur son t-shirt pour l'inciter à le retirer, ce qu'il fait sans plus tarder. Damien ouvre sa braguette, en extirpe une queue aux proportions favorables, qu'il commence à branler doucement. Son gland est si humide que le prépuce glisse sans la moindre difficulté. Je quitte les lèvres d'Eric pour aussitôt les poser autour du membre généreux, retirant à Damien sa délectable tâche. Ce dernier ne semble pas s'en formaliser, puisqu'il en profite pour embrasser Eric à son tour. Tout en suçant la queue épaisse d'Eric, je parviens à détacher mon soutien-gorge. J'abandonne ma délicieuse besogne le temps d'ôter le sous-vêtement, puis d'ouvrir ma robe, avant d'enfourner de plus belle cette bite ferme et goûteuse. Eric enferme l'un de mes seins dans sa main droite et le pétrit fermement, mais sans violence, avant de titiller mes tétons durcis du bout des doigts. Je gémis de plus belle. Damien vient de retirer sa chemise, dévoilant son poitrail massif couvert d'une toison claire. Sa queue se dresse hors de la braguette béante. Elle n'est pas aussi longue que celle d'Éric. Certaines gourmandes pourraient même la trouver un peu courte. Mais son épaisseur suffit à combler les trous les plus affamés. Damien s'astique le membre tout en me regardant. Une lueur vicieuse, presque animale, éclaire ses yeux brillants sous l'effet de l'alcool. D'un commun accord, nous décidons de migrer vers la chambre. Éric nous amène jusqu'à la pièce, puis allume une lampe pourvue d'un éclairage tamisé, avant de revenir à nous. Il s'incline face au pubis de Damien et suce goulûment la bite de mon meilleur ami. Tout en suçant un de mes tétons, Damien incite, à l'aide d'une pression à l'arrière de la tête, son partenaire à poursuivre ses mouvements. Je ronronne de satisfaction tout en caressant ses fesses, puis je glisse mon majeur dans son anus. L'orifice accueille mon membre sans la moindre résistance, et Damien m'en remercie en fourrant son index dans mon con dégoulinant. Je parviens à atteindre la prostate que je masse doucement. Éric semble se délecter de la queue de mon ami. Sa bite bat en cadence contre son bas-ventre ferme. J'ai soudain envie qu'il me pilonne avec, et je m'accroupis face à lui, la tête au niveau du bassin de Damien. J'empoigne son membre vigoureux et le branle sans hâte, avant de l'encourager à glisser dans ma chatte affamée. Éric se redresse alors, s'allonge sur le lit et m'invite à m'empaler sur son membre. Je m'exécute sans perdre une seconde. Son sexe glisse dans mon con, comme une lame dans une motte de beurre fondante. Damien s'agenouille au-dessus du visage d'Éric, lui offrant son cul poilu. Oser une pareille approche avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience homosexuelle n'est pas recommandé, et je m'attends à ce qu'Éric se sente dépassé par cette soudaine audace. Mais ce dernier, à ma grande surprise, glisse sans réticence sa langue dans l'anus de mon meilleur ami. Il l'invite à descendre plus bas sur son visage, tant et si bien que j'ai l'impression que notre amant n'a plus de tête. Cela ne l'empêche nullement de me pilonner avec une vigueur jubilatoire, déclenchant en mon fort intérieur de puissantes sensations annonciatrices d'un orgasme fulgurant. Face au spectacle, Damien ne peut se retenir davantage. Il se retire du visage d'Éric et se met à califourchon au-dessus de son torse. Il se branle d'une main fébrile tout en caressant la joue d'Éric, jusqu'à ce que son foutre éclabousse la poitrine de notre amant et imprègne ses poils bruns. Son corps est luisant de sueur. L'effort le fait haleter. Ma position ne me permet pas de savourer la scène, mais les grognements gutturaux et bestiaux de Damien m'amènent aussitôt à un bel orgasme. Mon corps se contracte sous ce déferlement d'extase violente, et je crie sans la moindre retenue. Putain, ce que c'est bon! Éric approche également de la jouissance, mais je veux goûter à son foutre. Je me retire, avale aussitôt son gland, le pompe jusqu'à goûter les premières larmes de son sperme épais et amer. Certaines de mes amies éprouvent quelque réticence à l'idée de boire le jus de leur partenaire. Pour ma part, je me régale toujours de ce nectar blanchâtre à la saveur inégalable. Du coin de l'œil, je remarque qu'Éric récupère le sperme de Damien au bout de ses doigts avant de les lécher, non sans une satisfaction perverse. « Alors, cette petite expérience à trois ?» demande Damien. Éric sourit. « Je ne pense pas que ce sera la dernière, » répond-il.